yet. Yeah. What about you? Fine. Do you hear me? Yeah. How are you? How was work? This is holidays, those holidays. I am fine. Fine, tired. Easy. You're okay. Fine. In a heap of water, travel. Bientôt. Le repos bien mérité. Les vacances. Bientôt les vacances. Bientôt l'autoroute. Waka. Je me rappelle de Léon Blum. Ce qui nous a permis de nous retrouver. Fire. Fire. Stressed out. T'es sur la box ou t'es sur le téléphone? J'entends plein de... Bientôt le temps de la vie, des repas entre amis. On the box. J'entends le lag, j'entends que je parle. Le micro de brancher. C'est pas le grésillement, c'est très bien, c'est juste le temps. Loin des enceintes. C'est parfait, le son l'est. Le timing est. Trop fort aussi, je baisse un peu. Non, c'est parfait, touche pas ton micro, touche pas ton mic, le réglage est nickel, touche pas le mic, y'a pas de problème avec le son, sinon, avec le timing, c'est parfait, ici c'est parfait, ça clique pas, j't'ai un peu monté, c'est parfait, touche pas le son, y'a plus rien à toucher. Au pire, tu pourrais essayer avec ton téléphone, mais manque juste un petit cendrier. All we're left an ashtray. Salut, Bluesy. Je touche à rien. Ah, peut-être, il faut essayer. Ça se met en place. Thank you. l'intérieur. Vers l'intérieur. Vers mon intériorité. J'arrive. Désaccordé encore, mais thank you. Thank you.